Mosaïque. Le rendez-vous, c'est Mosaïque. C'était promis la semaine dernière et nous honorons la promesse. Encore une fois, nous parlons de l'amendement de la Constitution. La fois dernière, nous avons parlé de l'opportunité. Aujourd'hui, nous entrons dans le débat, dans le vif du sujet, pour parler des dispositions qu'il faudrait amender concrètement. Nous y revenons avec trois invités qui étaient là la semaine dernière. Honorable Jean Dodieu Moutabazi, soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes le président du Radebout. Bonjour, j'en profite aussi pour saluer mes collègues avec lesquels je suis autour de la table et saluer aussi nos auditeurs qui sont en train de nous écouter et en leur souhaitant aussi une bonne fête de Pâques. Merci beaucoup d'être venu. L'honorable Léonce Ngendakouman est le vice-président du Frodebout, le Front pour la démocratie au Burundi. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. À ma gauche, c'est M. Faustin Ndikoumana, il est président de la PARSEM. À vous aussi, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci. La mission Mosaïque d'aujourd'hui parle des questions essentielles sur l'amendement de la Constitution. Et nous allons non pas citer ces questions parce que les invités vont y revenir, mais parler essentiellement des dispositions qu'il faudrait amender concrètement, parler des quotas ethniques, parler du système de gouvernement, parler de l'opportunité. On va y revenir un tout petit peu, mais pas dans l'essentiel, mais à côté, parler de tout ce qu'on veut changer à l'intérieur de cette Constitution. La mise en onde, Séraphine Hakizimana, la réalisation, Pascal Nioyamounze et Sylvain Hakalotimana, je suis au micro pour animer cette émission Mosaïque d'aujourd'hui. Mosaïque. La première question, c'est en rapport avec la référence à l'accord d'Arusha. Dans les visas de la Constitution, il est dit que le président de la République, vu l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, revu la loi numéro 1/018 du 20 octobre 2004, portant promulgation de la Constitution intérimaire post-transition de la République du Burundi, etc., etc. Voilà, c'est une référence qui est faite à l'accord d'Arusha, mais cette référence me semble que ça fait débat aujourd'hui. La question est bien claire, et par rapport à cette question de référence à l'accord d'Arusha, est-ce que vraiment l'amendement va concerner cette question ou c'est une question qui y est déjà dépassée ou ça va effectivement concerner cette référence? Cette question est adressée en premier lieu à l'honorable Moutabazi. Vous êtes président du Radebout, c'est-à-dire que votre parti a une position à défendre dans ces questions qui concernent l'amendement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, vous avez raison. La constitution actuelle, la constitution que nous avons, nous l'héritons des accords d'Arusha où on s'était mis d'accord qu'après l'avoir signé, on va se baser sur ces orientations pour rédiger, pour doter du Burundi d'une constitution. Alors dans la constitution, c'est bien écrit dans les visas, vu l'accord d'Arusha. Mais aujourd'hui, et même ce n'est même pas aujourd'hui, il y a quelques années, certains avaient dit que compte tenu que c'est le premier visa, que l'accord d'Arusha primait sur la Constitution. Mais ce n'est pas notre position. Il y en a pour qui ils disent que l'accord d'Arusha prime sur la Constitution. Mais pour nous, nous sommes d'avis que ce n'est même pas l'avis, c'est une réalité qu'aucun pays ne peut être régi par les accords, les pactes ou les conventions, que tous les pays du monde sont régis par des constitutions. Et c'est pourquoi nous disons que la Constitution prime sur l'accord d'Arusha. Sinon, il y a un débat de type intellectuel, de type juridictionnel, que l'accord d'Arusha que l'accord d'Arusha est très important. Oui, l'accord d'Arusha reste très important, mais il ne peut en aucun cas primer sur la Constitution. Selon vous, la Constitution serait supérieure à l'accord d'Arusha? De loin, parce que, comme vous le savez, ce sont les partis politiques qui sont agréés au niveau du ministère de l'Intérieur. Or, cet accord, il a été signé, validé par les partis politiques. Ce sont des associations sans but lucratif. Il y avait sept partis à majorité Hutu, le G7, dont nous faisions partie, le Frodebout, le PL, le RPB, le CNDD, était dirigé par Yangoma. En face, il y avait les partis à majorité Tutsi, dont le leadership était dans les mains de l'Uprona. Je ne vais pas citer toute la liste. Alors, nous avons fait une convention, on l'a appelée l'accord d'Arusha, en présence des personnalités du monde. Mais ce qui est sûr, si nous avons pris le soin de dire que cet accord devait donner les orientations d'une constitution qui devait être votée par voie référendaire, on sait pourquoi, parce qu'un pays est toujours régi par une constitution. Et même cette constitution que nous avons eue par voie référendaire, bien qu'elle porte certaines, je dirais, lacunes, certaines imperfections, c'est elle qui régit encore son pays. Et elle a même prévu les manières dont elle peut être adaptée à notre société, parce que cette constitution régit une société dynamique, une société qui bouge, une société en permanente dynamisme. La question essentielle, c'était que est-ce que faudra-t-il encore une fois faire référence à l'accord d'Arusha? Vous vous êtes contre ou pour? Non, j'hésite, je suis partagé. Que bien sûr qu'on va se référer à l'accord d'Arusha. Comment, on va se référer pour savoir d'où vient cette société. Tu sais, tu ne peux pas séparer le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Ce que je peux dire, et ce que j'ai toujours dit, l'accord d'Arusha n'est pas là pour enchaîner le peuple burundais. L'accord d'Arusha n'est pas une Bible. L'accord d'Arusha n'est pas venu pour embrigader le peuple burundais qui doit toujours avancer, qui doit toujours aller de l'avant. Offre debout, l'honorable Léonce Ngendakoumana. Est-ce que vous avez la même opinion, le même avis que l'honorable Mutabazi, lui qui parle d'une constitution qui doit primer sur l'accord d'Arusha? Ou vous avez une autre façon de voir les choses? Moi, je n'ai pas une autre façon de voir les choses, parce que moi, je ne fais pas de distinction entre l'accord d'Arusha et la constitution en ce qui concerne les principes constitutionnels. La constitution étant un instrument juridique, mais qui a un caractère même politique, si vous voulez, pour l'organisation et la gestion du pays, du Burundi. C'est pour organiser et gérer le pays. Mais dire que la constitution est au-dessus de l'accord d'Arusha, ça me paraît paradoxal. Dans la mesure où tout le contenu de la constitution se trouve dans l'accord d'Arusha. Qu'ils me disent en ce paragraphe qu'il n'est pas dans l'accord d'Arusha qui se trouve dans la constitution. Mais par contre, il y a des protocoles qui ne sont pas mentionnés dans la constitution et qui sont en rapport avec la vie des citoyens réellement. Sinon, les deux protocoles qui sont mentionnés dans la constitution, je disais que c'est pour organiser et gérer l'État. C'est le deuxième protocole et ça, c'est pas tout le protocole. Que ce soit entendu très bien. Donc, la constitution actuelle, c'est une partie de la constitution. Une infime partie de la constitution. Et au niveau des principes constitutionnels, sur le mot pour infime. Gérer, mais pour mettre en application les principes, les options et les orientations contenues dans l'accord d'Arusha, en vue de créer un ordre politique, économique et social nouveau pour stabiliser le Burundi politiquement, économiquement et socialement. Donc vous comprenez que avec ces orientations qui ne sont pas dans la constitution, vous ne pouvez pas dire que la constitution, en termes de principes, en termes d'options, en termes d'orientation pour stabiliser le pays, n'est pas au-dessus de l'accord d'Arusha. La question était et d'ailleurs, regardez les mérites de l'accord d'Arusha. D'accord. Hein? La question était concrète. Faut-il y faire référence au moment où il faut faire l'amendement ou on abandonne tout simplement? C'est très clair. Moi, je sais pourquoi est-ce qu'on veut supprimer cette référence. C'est tout simplement par rapport à un article qui se trouve dans le deuxième protocole qui parle de mandat. Moi, je n'aimerais pas à ce qu'on pense beaucoup plus aux individus qu'à l'intérêt supérieur de la nation. C'est quand même assez grave que les gens pensent amender la constitution dans l'esprit de pérenniser une ou deux personnes au pouvoir et que la constitution, l'accord d'Arusha et la constitution en soient victimes. Pardon, est-ce que c'est pas un procès d'intention? C'est pas un procès d'intention parce que j'étais à Kigobe. Le Parlement réuni a convoqué d'abord le gouvernement, tous les partis politiques, membres du gouvernement ou pas, toutes les organisations de la société civile, toutes les confessions religieuses, toutes les organisations internationales. Le constat a été que il n'était pas encore opportun d'amender la constitution sans avoir évalué l'accord d'Arusha. Et ils ont recommandé à ce que tous les amendements, toutes les propositions d'amendements en rapport avec l'accord d'Arusha ne soient pas reçues par le Parlement. Et il en a été ainsi. Heureusement, c'était au mois de mars 2014. Le Parlement s'est déjà exprimé contre l'amendement des articles de la constitution qui sont en rapport avec l'accord d'Arusha en termes d'options, en termes d'orientation, en termes de principes, parce que ça peut créer encore une fois l'anarchie et le chaos dans ce pays. Ok, merci. Votre position est bien. Mais je voudrais interrompre un peu, Léon, sois honnête et sincère. Est-ce que l'accord d'Arusha est une loi? Ça a été adopté comme une loi. Et tu n'étais pas au Parlement d'ailleurs. Moi, c'est moi qui l'ai fait adopter. C'est une loi. C'est une loi, c'est le Parlement qui l'a adoptée. Ce n'est pas une convention comme tu le dis. Attends. Tant que cette loi n'est pas encore abrogée, okay. Toi, ça a été même adopté comme une loi suprême. Comme une loi, ok. Attends. Suprême. Ok. Est-ce que la Constitution, naturellement, c'est une loi? C'est alors, une loi. Des deux. C'est une loi qui émane de l'accord d'Arusha. Attends. Alors, donc, on a en face de nous, selon toi, deux lois. Excusez-moi. Moi, je dis que la loi fondamentale pour le peuple burundais, c'est la Constitution. Bon, de telle façon, alors, bon. Si, pour toi, que l'accord d'Arusha pour toi c'est la loi fondamentale. C'est quelle, quelle est la référence pour le Burundi, pour stabiliser le Burundi? Quelle est la référence? Pour le Burundi, la loi fondamentale c'est la constitution. Pardon. Ça dit ce que ça dit. De toutes les façons, les positions sont bien comprises. Pour Léon Senghe Nakoumana, le vice-président de... Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de distinction. Bodebo, il dit qu'il n'y a pas de distinction entre l'accord d'Arusha et les principes. Au niveau principe, option et orientation. Et vous, Moutabazi, vous dites que la constitution prime sur l'accord d'Arusha. C'est ce par rapport à quel principe? Par rapport à quel principe? Pour moi, la loi fondamentale, elle est unique et c'est la constitution du Burundi. Ok, pour ne pas prendre le temps de Faustin, c'est la même question à peu près sur la référence à la Constitution. Vous avez bien entendu les positions de nos deux invités et quelle est la position, j'allais dire, de la PARSEM en tant qu'organisation de la société civile. Ce n'est pas une position de la PARSEM, de la société civile. Il faut lire ce qui est écrit. Dans l'accord d'Arusha, il y a un protocole 2 qui a un chapitre 1 qui parle des principes constitutionnels qui vont guider la Constitution post-transition, dans la période d'après-transition. Donc, c'est à fait clair. On a émis tout ce qui doit être mis dans la Constitution. Alors, je comprenais mal comment dire qu'il y a une différence entre l'accord d'Arusha et la Constitution. Du moment que tous les éléments qui se trouvent dans l'accord d'Arusha ne se trouvent pas nécessairement dans la Constitution. Si d'une part, on dit que la Constitution est la loi fondamentale, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Tout à fait. Ce n'est même pas un problème. J'accepte. Ok. Mais on est d'accord. Alors, du moment que, au niveau de la vie d'un pays, les gens pour rédiger cette constitution se sont d'abord mis ensemble pour s'entendre de ce qui doit être mis dans cette constitution. Voilà. Au préalable. Voilà. C'est une autre particularité. Ah oui. Parce que si la loi fondamentale du Cameroun émane d'un parti politique qui a élaboré, d'un président qui a élaboré, ce n'est pas la même chose que le Burundi. C'est une constitution. Donc, cette constitution, les parties prenantes du Burundi, en conflit dans la crise burundaise, se sont d'abord entendus. Qu'est-ce qui doit être mis dans cette constitution pour garantir la paix, la sécurité des uns des autres, pour garantir la réconciliation nationale. Tant que cet accord aura été écrit, la constitution motive l'amende, il faut d'abord se référer à cette entente qui a rétabli cette cohabitation, cette réconciliation nationale. Ça, c'est tout à fait évident. Il n'y a pas un principe universel qui dit que si la constitution est écrite comme ça, les gens ne s'entendent pas pour ce qui doit être mis dans cette constitution. C'est ça le fondement, l'origine de cette constitution. Okay. Du moment que l'accord est global, mais même actuellement, il est en train d'être mis en application. Mais dire que même il y a d'autres lois qui émanent de la constitution qui pourraient être mises en application entre même d'asseoir la mise en application de l'accord d'Arusha. Quand on parle de la reconstruction, quand on parle de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, même d'autres lois qui viendront pour justement mettre en application les orientations émanant de cet accord d'Arusha. Sinon, l'accord d'Arusha, ça marque la renaissance du Burundi, même il y a d'autres pays qui ont des accords de cohabitation pacifique entre les communautés, mais quand elles vont agir, quand elles vont mettre des lois, elles veillent à ce que ces lois ne viennent pas contredire ce qui est contenu dans l'accord préalable de réconciliation. Okay. Parce que la loi, c'est pour les hommes. C'est une question de précision. Et, honorable Moutabazi, est-ce que vous croyez encore à tout le contenu de l'accord d'Arusha? Qu'est-ce qui le gêne dedans? C'est votre question. Ma question, c'est celle-là. Dans la langue nationale, on a eu un débat. Uh-huh. J'ai rappelé à Léonce qu'au moment de la rédaction de cette constitution, l'ancien premier vice-président, Kadege Alphonse, avait ramené des principes qui étaient proches de deux peuples, une nation, avec la notion d'Imerekeza. Comme quoi, Imerekeza en français. Imerekeza, non, c'était presque deux peuples, plutôt les systèmes de communautés. Mm. Par exemple, s'il y a des Tutsis au sein du Frodebu, c'était de seconde zone. Ah, d'accord. Voilà. Alors, nous, on avait dit non, alors qu'on avait déjà signé l'accord d'Arusha. Mm. Alors, j'étais en train de dire à Léonce. C'était à l'époque. On venait d'Arusha parce que moi j'avais déjà quitté l'exil, j'étais déjà au pays. Ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Non. Deuxièmement, Léon. Ça n'a pas été accepté d'abord. Attends. Il a fallu se battre. Je me souviens parce que dans les débats qu'on c'était avait. C'était son droit. Là, c'était son droit, attention, non? Attention, c'était une vision divisionniste. C'était une vision très divisionniste qu'il fallait combattre. Jean Convi. Oui. Ok, deuxième chose. Souviens-toi que dans les signatures, il y a des réserves. Les réserves, c'est très important. Parce qu'on avait dit, on doit, au retour au pays, on va continuer à débattre des réserves. Or, une constitution, c'est une constitution, c'est une loi fondamentale. Il n'y a pas de réserve dans la constitution. Quand il y a des articles mal rédigés, il faut les réviser. Alors que l'accord d'Arusha, regarde ce qu'il est devenu. Il est en train d'aller pratiquement dans les oubliettes parce que les générations n'y reviennent pas encore. Mmh. C'est pourquoi Léon se doit accepter la vérité et Faustin. Il ne doit pas mélanger les choses. Un pays ne peut pas avoir deux lois fondamentales. Un pays a toujours une seule loi fondamentale. Sinon, la référence à l'accord d'Arusha, j'en conviens, c'est une référence importante. Oui, tout ce que c'est une référence importante, mais la loi fondamentale, elle est unique, c'est pourquoi elle prime, quand tu dis qu'elle est fondamentale, elle prime sur tous les autres textes. Merci beaucoup. Excusez-moi, le débat continue. Je crois qu'on peut prendre quelques temps de pause pour arriver à la deuxième partie de cette émission. Vous n'avez pas du sang Camilo ? Vous ratez l'essentiel. L'émission c'est Mosaïque, nous sommes en train de débattre sur l'amendement de la Constitution. Nous arrivons à la deuxième partie avec la deuxième question. À l'article 96 de la Constitution actuelle, il est écrit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Tout le texte qui se trouve dans l'accord d'Arusha, pour qu'on ne puisse pas y avoir un peu de polémique là-dessus. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation des mandats du président de la République? Et là, le débat peut revenir sur la durée même du mandat, comme ça peut revenir sur la limite ou la non-limite des mandats. Je lance encore une fois le débat avec l'honorable Moutabazi. Oui, c'est bien d'évoquer l'article 96 qui, pour la situation qui prévaut aujourd'hui, n'était pas l'unique article pour lequel il fallait faire référence. Parce qu'il y avait d'autres articles qui parlaient d'un mandat spécial, le premier mandat où le chef de l'État devait être élu par le Parlement. Alors, on ne savait pas si ce mandat-là était dans le cadre de l'article 96. Et vers la fin, dans les derniers articles, on devait alors voir s'il y avait opportunité à ce que si c'était la même personne, s'elle pouvait alors avoir trois mandats ou deux. De toute façon, tous ceux qui analysent aujourd'hui la Constitution telle qu'elle est rédigée voient qu'il y a un flou qui a été bien laissé. Sinon, il fallait dire que... Pourquoi vous étiez acteur politique à cette époque-là. Certainement que vous avez une certaine compréhension. Pourquoi est-ce que ce flou a été entretenu? Le flou a été entretenu de manière peut-être exprès pour certains. À l'époque, on était... Offre des Bois, on l'a remarqué effectivement. C'était un grand acteur, l'Offre des Bois, à l'époque. Oui, c'était, puisque c'est lui qui a rédigé la Constitution avec son partenaire principal. Pourquoi vous, Offre des Bois, vous avez entretenu son flou? Non, il faut dire la vérité qu'on était optimiste et qu'aux élections de 2005, il y avait des possibilités de gagner. Mais par après, il y a avec eu... des tricheries à mettant... Il y a eu des incidents majeurs par après, parce qu'au sein de notre famille, l'Offre des Bois, il y a eu des mésententes entre le camp Léon Senghendakouma, qui était avec Ndaïse et Domitien. Il formait un camp, ainsi que le camp Minane et Jean, Moutabazi, Jean de Dieu. Alors, oui, on disait que... C'est-à-dire que vos divergences, querelles, vous les avez mis dans le texte. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une certaine, je dirais, une certaine rédaction qui n'était pas unanime. D'accord. Bon, mais au sein d'une famille, il y a toujours des querelles. Ça arrive, c'est pas seulement au Burundi, même ailleurs. Au niveau des politiciens, parfois, il arrive des divergences. Et donc, aujourd'hui, le manque de clarté dans certains articles milite aujourd'hui à ce que, en ce qui concerne les mandats, ça soit bien clair et net. Alors, qu'il y a limitation de mandat ou non limitation de mandat. Et aujourd'hui, on doit en débattre. C'est là où je voudrais en revenir. Selon vous, est-ce que faut-il limiter les mandats ou faut-il les laisser illimités? Pour le moment, il y a un débat au sein même de mon parti. Il y en a qui sont beaucoup plus, je dirais, séduits par le modèle français, le modèle ghanéen, le modèle tanzanien et sénégalais de limitation de mandat. Il y en a dans mon parti qui sont séduits par ce modèle de limitation de mandat. Et il y en a qui sont plutôt séduits par la non-limitation de mandat. Ils sont beaucoup plus... proches du modèle allemand, ils sont beaucoup plus proches du modèle ougandais et rwandais et du modèle algérien et même angolais. Et alors, la balance se penche vers où? Non, jusqu'à maintenant, le débat n'a pas encore totalement mûri. Il continue, mais au moment opportun, on va pouvoir prendre une position. Prenons la personne qui se trouve ici, peut-être en le considérant en tant qu'individu. Mutabazi, maintenant, quelle position? La position de Mutabazi, je suis beaucoup plus pour la stabilisation de l'institution présidentielle. Non, vous ne répondez pas à la question. La limite ou l'unité du mandat? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus pour la stabilisation de l'institution présidentielle. Bon, il faut la question. Monsieur Léon Senghenda Koumana, je pose la même question. Pour ou contre la limitation des mandats du président de la République? Parce que d'autres institutions... Il ne faut pas me poser la question comme ça. Parce que l'accord d'Arusha et la constitution sont très clairs sur la question. Le peuple burundais, en lisant l'article 96 de la constitution, c'est très clair. Le peuple burundais a voté par référendum cette constitution, y compris cet article. C'est deux mandats, point trait. Il ne faut pas alors me poser cette question. Je ne suis pas au-dessus du peuple burundais. Alors, à l'époque, pourquoi est-ce que le Burundi maintenant a fait cette option au niveau de l'accord d'Arusha et de la constitution? Ça, c'est un débat. Non, au niveau de la conscience, c'est mal rédigé. Non, c'est pas mal rédigé. Lisez l'article 96. Sérieusement. Ce n'est pas mal rédigé. Vous avez été en contradiction avec ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Lisez l'article 96, c'est très clair, c'est deux mandats. Il n'y a pas d'équivoque. Alors, il y a une exception, ce qu'il était en train de dire, c'est une exception qui se trouve à l'article 302 pour des raisons qui sont justifiées dans le même accord d'Arusha. Et ça ouvre à un troisième mandat. Ou ça n'ouvre pas une... Cet argument va prendre fin. Votre argument là va prendre fin. Donc, si vous êtes en train de poser la question, qui ne faut de poser pas la question, ça va prendre fin. Et tu vas voir. Bon. Tu vas manquer d'arguments pour t'abaser si tu vas cet argument. Te dire ça, ça a été écrit. L'article 96 de la Constitution, c'est très clair, deux mandats. Mais pour la première période de post-transition, il y a une exception parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas possible d'organiser des élections au suffrage universel direct. La guerre n'était pas encore terminée. Excusez-moi, il y avait encore un mouvement. Est-ce que les députés n'ont pas été votés au suffrage universel direct? Les députés, oui, mais ce sont les députés et les sénateurs. Qu'il devrait y avoir. Quelle est cette différence? Ce n'est même pas un problème. Ça ne cause même pas un problème. Il n'y a pas de problème. Ça a été fait. Je disais à mon frère que cet argument qu'ils ont avancé en disant qu'on n'a pas pu savoir si c'était deux mandats ou trois, ça va prendre effet dans quelques années. Deux. Dans l'entretemps, ce qu'ils veulent, qui cache, c'est supprimer. Mais les deux mandats. Donc, c'est supprimer le principe de mandat. Il ne l'a pas dit comme ça. C'est ce qu'ils veulent. Tu vas le voir prochainement. Est-ce que le peuple burundais va voter quoi? Ça, je ne sais pas. Moi, je regarde ce qu'il a déjà voté. Est-ce que vous allez... Réserve-toi alors. Le peuple burundais a déjà voté, c'est déjà exprimé, ça se trouve dans la constitution Mutabazi. Qui va encore aller lui demander de voter autre chose? Pourquoi et pourquoi? Il faudra nous le expliquer. Mais nous marchons vers la révision de la constitution. Qui le veut? Qui veut ça? Qui veut ça? Bon, excusez-moi. Qui veut ça? Le peuple burundais. Non, le peuple burundais s'est déjà exprimé. Pardon. Pour éviter le duel, est-ce que Faustin... c'est pour dire. C'était pour dire que la première question a eu la réponse. Ouais. On garde la référence à l'accord d'Arusha. Mutabazi n'a pas dit non. Mandat limité. Ça se trouve dans la constitution, à l'article 96, la limitation à deux mandats, et il n'y a personne qui est dessus du peuple burundais qui a voté cet article. Bon, il y a une autre question que j'avais posée d'une façon sous-jacente. C'est 5 ans le mandat. Est-ce qu'il ne pourrait pas être réduit jusqu'à 3, par exemple, ou être augmenté jusqu'à 8? Bon, c'est un débat. Moi, j'ai dit, d'ailleurs, vous nous avez embarqué sur un faux débat. En fait, il ne fallait pas nous embarquer sur l'amendement des articles, des dispositions de la Constitution. Il faut d'abord, parce que cette Constitution, c'est un contrat social. Les Burundais se sont entendus pour la stabilité du pays, politiquement, économiquement et socialement. Après avoir analysé le contexte dans lequel nous avons passé 30 ans, nous nous sommes dit, voilà les principes. Voilà les options qu'on prend. Voilà les orientations qu'on donne. Ça se trouve dans l'accord d'Arusha et c'est inscrit dans la Constitution. Alors, s'il faut débattre sur un article parce que ça gêne telle ou autre personne, il faut d'abord aller dans les orientations. Il faut avoir au niveau des principes, au niveau des options, ça veut dire l'évaluation de l'accord d'Arusha. Et partant, l'évaluation de la Constitution globalement. Et si on change les principes, si on change les options et les orientations, on va reparler des articles. Alors, c'est le débat qu'on devait mener la fois passée sur l'opportunité. D'accord. Alors, pour vous, faut-il renouveler le mandat une seule fois ou plusieurs fois? Une seule fois parce que c'est ça qui est écrit et c'est plus avantageux. On a écrit cela après un long débat sur ce que nous avons observé un peu partout en Afrique, un chef d'État, à la fin de son mandat, il tente toujours de changer la constitution. C'est ce qui se fait même aujourd'hui. Hein? Et il devient comme un petit dieu. Alors, il a un entourage qui constitue une sorte de... Hein? D'ombrage autour de lui. Il n'est plus accessible. Hein? Ils prennent des décisions unilatérales. Justement, le président de la République est une institution, il n'est pas accessible à tout le monde. Parce qu'il en va aussi de sa sécurité. Ah, ce n'est pas alors ce que prévoit l'accord d'Arusha. Un dictateur, avec l'accord d'Arusha et la constitution, ne peut pas diriger son pays. Ça, je vous le dis tout de suite. S'il n'est pas un homme ouvert pour le dialogue, et c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui, il ne peut pas diriger son pays. Ça, je vous le dis. Ok, Faustin Dikoumana, est-ce que la limitation des mandats ou la non-limitation des mandats, c'est un faux débat ou c'est un vrai débat? D'abord, regardez ce qui est écrit. Il y a la constitution qui est assez claire sur cette question. L'article 96 est clair, dit suffrage universel renouvelable une fois. Mais pour des raisons évoquées même, d'abord expliquées dans l'accord d'Arusha, on avait préféré que le premier mandat au chef de l'État soit élu au suffrage indirect. Ça a été même expliqué à l'accord d'Arusha. Pour dire que tout ce qui a été fait dans la constitution, le législateur se référer sur le débat, la conclusion du débat de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que sur cette question des mandats, il avait eu un débat conclu, écrit, et puis le législateur a transmis ça dans la constitution. Donc, le fait de revenir ça, ça ouvre encore un débat au sein de la classe politique qui était là et qui était largement représentative à l'époque. C'est-à-dire que vous savez que les partis qui représentaient, qui tenaient le leadership au moment de l'accord d'Arusha, c'était des partis forts qui représentait légitimement le peuple burundais vu les résultats des élections qui avaient été en 93. C'était le Frodebu et l'Iprona, les deux premiers partis au moment des élections. Donc, le débat était parmi les principaux qui préhabent de la politique. Mais il faut vous rappeler que le parti au pouvoir, actuellement, ne faisait partie des partis qui étaient en négociation à Arusha. L'accord d'Arusha qui a été signé, parce que l'accord d'Arusha a annoncé les protocoles liés à la cessation des hostilités, l'accord de cesser le feu qui a été signé entre le gouvernement de l'époque et le parti et le mouvement CNDD-FDD fait partie intégrante de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha, aujourd'hui, si on évoque l'accord d'Arusha, on y intègre tous ces accords de paix. Ouais. Donc, c'est un document unique pour ce point. Mmh. Deux, la limitation des mandats, normalement, c'est une avancée en démocratie normale. Mmh. Un pays, pour se stabiliser politiquement, doit se donner des lois qui régissent les mandats. C'est une avancée en fait. Parce que si on voit même en Afrique, les pays qui ont des pouvoirs, qui ont des chefs d'État qui passent beaucoup plus longtemps au pouvoir, quand il surgit la période de succession, maintenant c'est un problème. Vous voyez au Togo par exemple, après Ignace Mbeyadema, crise politique. Au Gabon, avec la succession du père en fils. Ici en Ouganda, il y a le président qui commence à nommer sa femme comme ministre de l'éducation. Au Tchad, le débat de suivi de ce qui se dit fait problème. En Angola, c'est un problème. Donc, quand un pays arrive à la limitation des mandats, c'est une avancée au niveau de la démocratie, au niveau du renforcement des institutions, au lieu de se baser sur, et comme on dit, les hommes forts. Donc, se baser sur des institutions fortes. Alors, cette avancée, si on l'avait consacrée en 2000 ou en 2005, avec le débat de l'accord d'Arusha, et avec en 2003 quand on a adopté la constitution, pour moi je ne vois pas pourquoi reculer. Parce que l'accord d'Arusha, c'est vraiment un patrimoine, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour ce pays. Monsieur, parce que ça fonde cette stabilité dont l'Afrique a tant manqué pour se consacrer finalement aux d'autres défis liés à son développement. Mmh. C'est un avantage, je dirais, c'est une richesse que nous avons. Ouais. Je vous prends au mot. Vous dites que la limitation des mandats, c'est une avancée sur le plan politique. Mmh. Mais il y en a d'autres qui pourraient considérer ça comme une sorte de limitation du pouvoir du peuple qui a, son pouvoir de pouvoir désigner ses représentants une fois le président de la République est apprécié par son peuple. Non. Pourquoi ne pas laisser cette liberté au peuple pour continuer avec le même président? Différencier le président d'un parti. Si son président se dit populaire, il peut aller se présenter à titre indépendant. Je dis que ce sont les partis politiques, les programmes, sinon les hommes se succèdent. Mmh. La force revient au parti politique. Mmh. Parce qu'avant même que le parti politique présente un candidat, est-ce qu'on consulte les gens? Vous voulez quelle candidature au sein de notre parti? Dis-moi, le parti présente un candidat. Est-ce qu'il y a des primaires pour dire, si vous ne nous amenez pas cet homme-là, nous ne viendrons pas aux élections. Donc, quand le parti présente un candidat au niveau des instances du parti, je crois que la population peut aller voter parce que les partis présentent des programmes. Cette succession, donc cette émission de mandat, fait que les institutions se renforcent, les partis politiques, le pays. Et pour des pays africains qui ont été malades, des histoires d'exclusion, des histoires de régionalisme, d'ethnisme, de quoi, c'est une façon aussi d'ouvrir pour que, et surtout que les pouvoirs, surtout présidentiels en Afrique, ont toujours été gérés avec une force un peu extraordinaire, ce qui a vraiment été un facteur d'instabilité. Ce n'est pas comme en Allemagne, le premier ministre, il est là, mais il y a un président qui arbitre, il y a cet pouvoir parlementaire, voilà. Les pouvoirs ne sont pas... Merci. Là vous touchez les régimes, les systèmes de gouvernement. Oui. Excusez-moi, l'honorable Moutabazi a voulu réagir sur le show par rapport à ce que vous disiez. En fait, je voudrais qu'on soit juste. Léonce a été président de l'Assemblée nationale, il est vice-président du parti Frodebout, il a fait ratifier des textes. À un certain moment, quand on a un texte qui a été ratifié, c'est-à-dire qu'il est imposé aux députés ou ça y est. Non, c'est-à-dire qu'il a dit on va voter pour ce texte sans l'amender, sans y toucher. C'est ratifié. Et vous l'avez accepté comme tel? Oui, ce sont des textes, souvent des textes internationaux. Uh-huh. On le ratifie et ça devient une loi. Il entre dans l'arsenal juridique du Burundi. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Nous ne sommes pas du CNDD-FDD, nous devons être justes avec le parti CNDD-FDD. Donc, c'est-à-dire, il a ratifié l'accord d'Arusha. Mais nous l'avons négocié, on était au Frodebout, et nous l'avons signé. C'est-à-dire que le niveau d'attachement, le niveau de liaison, si Léonce peut être très lié à un accord qu'il a négocié et signé, le niveau de liaison ne peut pas être le même que celui qui a seulement adhéré. Il a dit, ok, avant de signer... Pardon, il y a une incompréhension. Attendez, j'ai voulu réagir à l'endroit de mon ami du Faustin. Faustin. En fait, je suis en train de te dire que celui qui a négocié l'accord d'Arusha et l'a signé, en l'occurrence le Frodebout, il l'a négocié et l'a signé. Il a plus d'attachement. Oui, il est plus attaché. Il est plus lié. Mais celui qui a seulement... On lui a dit, non, avant de signer l'accord de cesser le feu ou quoi, tu dois d'abord ratifier, tu ne vas plus changer. En fait, je suis en train de dire que le niveau de liaison n'est pas le même. C'est pourquoi il faut... Là, vous amenez à notre débat. C'est un autre débat, mais... Que le CNDD-FDD n'est pas très lié à l'accord d'Arusha. Non, ce n'est pas vrai. Attendez. J'en discute avec les membres du CNDD-FDD. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi. J'ai dit le niveau. Le niveau d'attachement. Le niveau, c'est le même. Ah, ok, ça va. Excusez-moi. Bon, c'est dommage. Moi, je ratifierais un texte que je n'ai pas négocié. Je ne me sentirais pas aussi lié que celui qui l'a négocié. En ce moment, il ne faut pas le ratifier. Tout arrêté par les zéros. Ok, j'avance. Tout arrêté par les ce qui est. Excusez-moi. Attendez. Je dis le niveau d'attachement. J'ai dit. Celui qui a émis des réserves n'est pas attaché. Parfait. Excusez-moi. J'ai parlé de niveau. Le niveau d'attachement. Tu n'es pas d'accord avec moi. Ok. J'avance sur mon idée. Ou bien je vais revenir après. Vous allez revenir. Mosaïque. Une autre question concerne les pouvoirs du président de la République et les pouvoirs des deux vice-présidents et les membres du gouvernement. Là, nous arrivons à une question essentielle sur le système de gouvernement que nous voulons. Est-ce que nous voulons un système ou un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Quel système de gouvernement devrait normalement avoir pour que le peuple burundais y trouve son intérêt? Alors, la question vous est posée, M. Moutabazi. Oui, la question, elle est posée, mais j'ai un autre regard par rapport à ce que mon ami du Parsem, Faustin, a dit. Les avancées au niveau démocratique, l'alternance après 5 ans, 10 ans... Lui, il a dit que ce serait, la limitation des mandats, ce serait une avancée politique. Oui, c'est une avancée au niveau de la démocratie. Je suis d'accord, mais je voudrais lui dire aussi. Mais quand je parle de l'exemple de l'Allemagne, il va me dire que leur démocratie est beaucoup plus peut-être avancée, plus mûre. Il a utilisé un terme dans la langue nationale. Mais moi, aujourd'hui, je suis très soucieux de la stabilisation du Burundi. Alors, il y a certains pays dont il a parlé, il a soulevé des mauvais côtés quand il parlait de l'Ouganda, son ami Léonce a soutenu, il dit les abus de pouvoir. Pourquoi vous parlez de son ami Léonce? Il est plus ami que... Ils sont beaucoup plus proches. Non, en 2015. Non, c'est sur ce point de vue. Ça, c'est intéressant. Attendez. Alors, moi, je suis beaucoup plus soucieux de la stabilisation d'un pays. Alors, maintenant, c'est un pays. La stabilisation d'un pays est liée à la... pour le Burundi, la stabilisation du Burundi est liée intimement à la stabilisation de l'institution présidentielle. Et justement, pour la stabilisation de notre pays. Oui, c'est ça. Quel est le système? Alors, quel est le système de gouvernement que nous devons avoir? Moi, quand je regarde certains pays comme l'Angola, l'Ouganda, l'Algérie, etc., donc, je dis, il faut stabiliser l'institution présidentielle. Ça conduit à la stabilité même d'un pays. Alors, c'est pourquoi je dis, soyons pour le principe de stabilisation de l'institution présidentielle. Pour vos stabilisations égale mandat illimité. C'est ça ou... C'est non, ça, non, c'est pas... ça. Attendez, attendez. Oui. J'ai dit, cherchons la formule qui nous permet à stabiliser l'institution présidentielle. C'est pourquoi nous avons parlé dans la langue nationale. Juste un peu de temps qu'il a. L'honorable Léonce, est-ce que vous êtes contre la stabilisation telle qu'il le définit dans ce qu'il dit? Il ne l'a pas défini. Il ne veut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Uh-huh. Il n'a pas donné les critères de stabilisation de cette institution présidentielle. Il dit tout simplement dans l'air comme ça. Alors, il faut qu'il nous dise la stabilisation de ce système présidentiel actuel, c'est supprimer les mandats ou c'est avoir beaucoup de militaires. Parce qu'il a, à un certain moment, Kirundi, il a dit que le président est stabilisé quand on ne peut pas lui faire un coup d'État. C'est ce qu'il a dit en Kirundi. Alors, pour ne pas subir un coup d'État, il faut avoir trop de militaires. Et il a donné l'exemple de, que dans le passé, on a fait un coup d'État, ça a réussi, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que. Il a extrapolé. Moi, j'ai dit effectivement que dans l'histoire de notre pays, on a connu des coups d'État énormes. Et c'est pourquoi je dis. Et c'est le système aujourd'hui actuel qui empêche les coups d'État. Léonce, on doit s'asseoir pour chercher une formule qui permet la stabilisation. C'est laquelle? Alors, je réponds à votre question. Moi, je vais répondre à votre question. Mm-hmm. Aujourd'hui, si je regarde les abus de pouvoir de la plupart des chefs d'État africains, il faut franchement diminuer leur pouvoir. Il faut des contre-pouvoirs et il faut cheminer vers un régime parlementaire. D'accord. Avec un premier ministre. Substantiellement, un régime parlementaire, lorsqu'il faut entendre par un régime parlementaire, comment est-ce qu'on peut l'appréhender? L'appréhender, ça veut dire que le Parlement devient un véritable contre-pouvoir. Ça veut dire que le Parlement a des pouvoirs. Dans un régime parlementaire, ça veut dire que le Parlement a des contre-pouvoirs contre le président. Il peut même, quand il abuse de ses pouvoirs, il peut... L'éjecter. Il peut l'éjecter. Premier ministre. Même le selon ce que tu veux. Même tu le dis. Président de la République. Non. Selon ce que tu dis. En fait, il éjecte le Premier ministre. C'est ça. En ce moment, c'est lui qui a beaucoup de pouvoir. Le président est là pour régner. Il ne dirige pas, mais il règne. C'est bon, pourquoi on éjecte le Premier ministre dans ce régime-là. Oui. Hein? Alors, moi, je préférerais qu'on fasse un débat. Ça, c'est une des formules, par exemple. Non, nous sommes en train de les affiner au sein de mon parti. On est en train d'affiner. Une petite proposition à faire. Non, on est en train de débattre, de mûrir les questions. Il faut qu'il nous explique ce qu'il entend par stabilité présidentielle par rapport à ces trois. Non, au moins les trois qui existent aujourd'hui. Il a un secret qui ne veut pas. Est-ce que c'est garder le pouvoir du président? C'est regarder le pouvoir présidentiel comme c'est actuellement le cas, ces régimes parlementaires ou ces semi-présidentiels? Alors, Faustin, il y a ce débat-là sur les régimes, le système politique que nous voulons. Vous avez déjà entendu Léon Senghendakoumana, vous avez déjà aussi entendu M. Mutabazi. Et quel est ce régime, ce système politique qui pourrait stabiliser le pays? D'abord, je voudrais dire à mon ami Mutabazi, qu'est-ce qu'il appelle par la stabilité de l'institution présidentielle? La stabilité de l'institution présidentielle, c'est parvenir à le détacher complètement de la confusion avec des individus. C'est ça la stabilité de l'institution présidentielle. Parce que je me souviens, j'ai ri dans l'histoire, vers la fin du régime Michombero aimait à dire que s'il est détrôné, le Burundi sombrerait dans une guerre civile interminable. Mais à Gaza, vers la fin, quand il était à Québec, quand on fait la cause, il disait vous ne pouvez jamais gouverner ça. Même après, on disait à la départ de quelqu'un, il y a toujours des menaces. Quand quelqu'un va partir, la situation va s'empirer. Il y a même un chef d'État qui vient de donner une interview. On a donné quand est-ce que vous allez quitter le pouvoir? C'est le président Idriss Déby. Il a dit si je me rassure qu'après mon départ, le Tchad sera stable, là, je partir. Imaginez une réponse comme ça. Qu'est-ce que tu fais d'abord pour stabiliser cette institution, pour qu'il y ait justement cette alternance? Comment tu gères jusqu'à ce que, si tu pars, la situation s'empire? C'est ça le nœud du problème. Donc, il faut... À Arusha, on y avait parvenu. On avait essayé de négocier, de voir comment se succéder, limiter, partager, pour que la paix même au Burundi ne s'identifie à quelqu'un. C'est moi qui ai ramené la paix au Burundi. La paix au Burundi a été négociée par plusieurs partenaires, avec la renaissance à partir de la Cour d'Arusha. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, c'est moi le miracle de la paix au Burundi. C'est un consensus de négociation de tous les partenaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, je suis miracle et j'ai amené un miracle? Je te disais, les chefs d'État antillais, comment ils déclaraient, si je pars, le Burundi sombre dans une guerre interminable, si je ne suis pas là, le Burundi sera ingouvernable. Il s'identifie finalement à l'institution, à lui seul. Donc à Arusha, on avait justement fait tout pour que cette identification entre les hommes et les institutions soit nette. Même aujourd'hui, ici à côté, quand tu parlais des modèles rwandais tout à l'heure, même on est en train de voir comment parvenir au plus tard à l'imitation des mandats. On a dit celui que tu vois aujourd'hui peut se représenter avec son troisième mandat de cette année. On va finalement limiter les mandats à 5 ans, mais renouvelables une fois, pour que son successeur, lui, soit frappé par la limitation des mandats. Maintenant, au Gabon, avec le problème qui vient de surgir, le débat qui est le dialogue aujourd'hui, la tendance, vous avez entendu, on est en train de dire, réduisons le mandat de 7 à 5 ans, limitons le mandat à 2. Donc, c'est ça la stabilité, c'est ça donc l'avancée, c'est là. Ouais. Et quant au régime, l'équilibre entre le régime, le régime présidentiel et le régime parlementaire, il faut vraiment, en Afrique, que le Parlement ait vraiment des pouvoirs pour contrôler l'action gouvernementale d'une manière efficace. Bon, il faut qu'on y parvienne, oui. Parce que si on voit même, dans le Burundi monarchique, même s'il y avait des turbulences entre Monrovia et Casablanca, le roi pouvait quand même réguler ces turbulences, pouvait réguler ces garnements, mais on a pu voir comment la société s'est empirée avec la République. Parce que le président venait tous les pouvoirs, il pouvait congédier le gouvernement en bloc, il pouvait faire ceci, sans... Imaginez, la première république, il n'y avait même pas de constitution. Deuxième république, il n'y avait même pas de parlement. Donc, il y avait des situations quand même. Si on évolue par rapport à cette question, il faut de plus en plus des parlements qui jouent leur rôle pour réguler le pouvoir, surtout que cette succession au pouvoir limite la confusion entre les institutions et les individus. Bon, c'est le vœu de M. Léon Senghenakoumana qui parle dans le débat sur ce système politique qu'on vous est de parler. Il y a toujours une question qui s'oppose sur la question des vice-présidents ou en premier ministre. Je crois que ça a été à la tentative de l'amendement de la Constitution à la veille des élections 2015. Est-ce que c'est toujours le débat aujourd'hui? Nous avons besoin d'un premier ministre, nous pouvons rester avec les deux vice-présidents. Léon Senghenakoumana. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, notre Constitution consacre ça. Et c'est une constitution qui a été votée par référendum. Comme je vous ai dit, le débat ne porte pas sur les articles de disposition. Il porte sur les orientations que nous avons. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette option? Le débat doit porter sur là. Et dès lors, quand on sera convenu qu'il est temps de changer, on va entrer dans le débat sur ce système politique. En fait, il fallait poser la question comme suit. Est-ce qu'on peut changer le système politique actuellement en cours au Burundi? Quel est le système alternatif? Parce que ce système-là qui est en place consacre la stabilité du pays, politiquement, économiquement et socialement. Consacre dans le partage du pouvoir, en fait, si vous voulez. Alors maintenant, est-ce que faut-il changer tous ces principes, toutes ces orientations qui sont contenues et dans l'accord d'achat et dans la Constitution aujourd'hui? Alors, si on se convient qu'il faut les changer, si on fait un débat sur ce que Faustin a qualifié d'évaluation de l'accord d'Arusha, si on procède à cette évaluation qu'on trouve qu'il faut changer ces principes, là, ça ne sera pas très difficile de formuler des amendements. Nous aussi, nous avons dit que si, après le débat là-dessus, s'il faut changer le système politique, on peut le changer. Excusez-moi, je vais vous donner la parole. Honorable Moutabazi, vous êtes pour un premier ministre ou restons avec le système de deux vice-présidents? Chaque formule, il a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il ne faut pas dire, je prends directement ceci. Parce que quand on était à Arusha, qui avait eu une proposition d'avoir deux vice-présidents d'ethnies différentes, de provenances différentes, il y avait des raisons. Mais c'est une situation, pour moi, anormale. Ces raisons n'existaient plus. Je dis aujourd'hui, oui, il faudrait mettre sur la balance pour voir si c'est opportun de mettre fin à ce système de deux vice-présidents de provenance politique différente et avoir un premier ministre qui provient de la même famille politique que le président. Ça, c'est la situation normale. Deux, tu auras remarqué par exemple que dans l'accord d'Arusha, on dit que même quelqu'un qui est à l'opposition, qui a plus de 5%, il peut aller au gouvernement. Ça, c'est anormal. C'est anormal. Pourquoi ? Parce que vous partagez l'actif et le passif à la fin d'un mandat. Par exemple, c'est le cas d'Amizel aujourd'hui. Tu as exercé le programme du CNDD, tu as abandonné ton programme et à la fin, qu'est-ce que tu vas aller dire à ton électorat ? Il fallait plutôt organiser ton opposition au Parlement. Donc, il faudrait évoluer vers une situation normale où quelqu'un va faire son programme. Donc, quand il a eu plus de 50%, lui et ses alliés, qui acceptent son programme ? Lui pourquoi, et ses alliés. Pourquoi il n'y a pas de refonte de programme lorsque vous devez participer à justement, même programme ? Avant d'adhérer dans un gouvernement d'union, il faut harmoniser vos programmes. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On dit, vous venez au gouvernement, vous allez exercer mon programme. C'est-à-dire que ce sont des partis juxtaposés au niveau d'une institution qui s'appelle gouvernement, mais sans toutefois avoir une même vision. C'est comme la situation actuelle, elle est anormale. Alors, c'est pourquoi, par exemple, il y a une autre question. Aujourd'hui, par exemple, si un président veut, par exemple, des technocrates qui sont en dehors de son parti, la Constitution ne lui ouvre pas suffisamment de portes. Est-ce que la Constitution lui refuse de prendre quelqu'un qui est capable pour participer à son gouvernement ? Par exemple, je dis, je veux un technocrate qui est dans un autre parti. Je le prends comme technocrate. Bien sûr. C'est possible, hein ? La Constitution ne lui empêche pas ça. Non, c'est discutable parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il va le comptabiliser sur son quota de son parti. Ok. Je ne sais pas si tu me comprends, Léonce. Non. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a Faustin peut-être qui voudrait peut-être apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que vous dites. Moi, je voudrais donner conseil dans tout ce qui a été fait à Arusha. Parenthèse avant de t'exprimer. Si par exemple le chef de l'État aujourd'hui, il veut Faustin Dikoumana pour le mettre au gouvernement, par exemple, puisque ailleurs ça se fait, quelle est la voie au niveau de la constitution qu'il va emprunter pour qu'il n'y ait pas de problème? En fait, c'est ce que je voulais dire. Vous voulez réagir par rapport à ça? Oui. Ok, allez-y. Globalement, Léon, je ne sais pas si tu me comprends, c'est ce que je voulais dire. Je dois dire que, à Arusha, même aujourd'hui, dans le Burundi, il faut trouver l'équilibre entre deux principes. L'efficacité des institutions, mais aussi partage du pouvoir, selon le passé de notre pays. Absolument. Il faut trouver l'équilibre des deux. Il ne faut pas dire efficacité gouvernementale qui aboutit à l'exclusion. Vous vous souvenez dans certains principes qui a fait peur aux gens en 1993. On appelle ça quoi? J'ai déjà oublié. Demande ça faisait peur aux gens. En partie qui vient. Mais est-ce que c'était un principe constitutionnel ou c'était un slogan? C'était au en niveau train de dire que le parti a gagné. Il prend tout. Partez, nous venons. C'est même le système de dépouille. C'est le même, oui, c'est le même style aux États-Unis. Oui. Si le président gagne un centime près de voix, il change toute l'administration. Mais au Burundi, on disait, ça fait peur avec le passé. L'exclusion, c'est de la même expérience. C'est pour cela qu'on a dit, pour éviter à ce que la démocratie, la victoire, pour un parti, lui offre l'occasion de tout prendre et celui qui a perdu, de tout perdre. On a dit, ouvrons la possibilité des partis minoritaires à accéder au gouvernement. Mais c'est le choix. On peut aller au gouvernement ou y renoncer. Mais il faut que cette latitude reste. Ça, c'était pour le partage des pouvoirs. Toujours, il y avait l'esprit qui expliquait ça. Dans l'accord d'Arusha, il y a un appendice, un annexe, qui explique tous les esprits pourquoi on a fait ça. Même le vote du président de la République pendant le premier mandat post-transition, on a fait vote indirect. Parce qu'on se disait que les élections présidentielles tenaient compte de la structure ethnique au niveau numérique et les histoires de pourcentage, ça fait peur. Au moins, le Parlement qui sera élu, lui, aura une autre structure au niveau ethnique. C'est ça. 40, 60, au lieu de. Vous touchez un article 129 de la Constitution qui dit que le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Oui. Il comprend au plus 60%, au plus 60% des ministres et vice-ministres Hutu et au plus 40% de ministres et vice-ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. C'est une option, ça. C'était une option. Ah oui. Est-ce que, comme nous parlons de l'amendement aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine de considérer ces quotas. C'est ce que dit Moutawazi. Allez-y. Quelle est votre position? C'est très clair, il faut garder cet article pour les raisons ci après. Il faut garder. Supprimer unilatéralement, par forcing, ces équilibres-là, ces mandats, ces cooptations des femmes, des toits, des tutsi, cette inclusion des partis minoritaires reviendrait à créer encore une fois le chaos et l'anarchie dans ce pays. Vous allez le voir. On le dit maintenant ici, vous allez le constater, parce que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Vous proclamez l'apocalypse par rapport non, à ce n'est pas l'apocalypse. Je dis, s'il faut supprimer tout ceci, parce que je l'ai entendu, ce n'est pas de Moutabazi. Il tire ça de quelque part. Non, vous dites que Moutabazi est un... Il tire ça de quelque part, je le sais. Il doit mener des débats dans d'autres cadres. Léon, tu m'as mal compris. J'ai dit que le système de cooptation et le système de quota doit être rediscuté. J'ai dit que la majorité aujourd'hui, il y a certains articles qui la briment. Je suis d'accord qu'il faut protéger la minorité, je suis d'accord avec les cooptations, mais j'ai dit il ne faut pas non plus sanctionner la majorité. C'est ce que j'ai dit. Quelles sont les orientations que le gouvernement a donné à la commission chargée de préparer la révision de la Constitution. La parole sur les équilibres. Bon, alors je dis maintenant, au stade où nous sommes, oui. D'ailleurs, compte tenu du contexte sociopolitique dans lequel le Burundi et les Burundais se trouvent aujourd'hui, et compte tenu du contenu et des orientations de l'article 299 de la Constitution, il faut garder le statu quo. Même le Parlement en a décidé ainsi en 2014. Il n'y a pas encore de changement. Et d'ailleurs, deux ans ou trois ans qui restent. Le temps passe, monsieur Moutabazi, est-ce qu'il faut garder le statut? Ce n'est pas le diable. Sur l'article 129 de la Constitution actuelle qui consacre les quotas au niveau des J'ai toujours été opposé aux quotas et à la cooptation tels que les chiffres sont maintenant. Mmh. J'ai montré que c'était injuste envers la majorité. La majorité, mais vous voulez dire les Hutus? Bien sûr. Je l'ai il fallait que les Hutus arrivent à 90% ou à 85%. Non, nous devons tendre vers l'équité, comme on disait à l'époque offre des bourses, c'est-à-dire l'égalité des chances. Aujourd'hui, tout semble indiquer que les chances pour qu'un Hutu accède à l'armée, les chances pour qu'un Hutu accède au gouvernement et même à l'Assemblée, ces chances sont moindres par rapport à la minorité. C'est pourquoi je dis oui pour la cooptation, oui pour les quotas, mais dans une moindre mesure, pas la situation que nous avons actuelle. Une question de proportionnel. Oui, il faut réviser les chiffres. Et même la fois passée, je disais... Pourquoi tu n'as pas émis des réserves? Pardon, Faustin. Honorable Moutabazi, comment rassurer les minorités? Ce n'était pas une question. Excusez-moi. La question essentielle, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment rassurer les minorités? Je vais partir d'abord à partir des Batois qui ont 6 postes parlementaires. Je leur ai dit, pour les encourager à fonder des partis politiques comme nous tous, à pouvoir aller dans les partis politiques, il faudrait revoir le chiffre de 6, le ramener progressivement, d'abord 4, puis 2, parce que les autres pourront aller dans les partis. Pour la question de la minorité Tutsi, j'ai dit, il faut revoir dans certaines institutions, passer au lieu de 60-40, passer aux proportions de 70-30. Pour les femmes. 70-30 pour les femmes. Et pour les femmes. Pardon? Pour les femmes. Pour les femmes, j'avais dit que c'est le statu quo parce que les sièges que les hommes occupent, ce sont les femmes qui leur octroient parce que les femmes sont majoritaires. Pourquoi parler du statu quo au lieu de la parité? Non, la parité, ça conduirait à la paresse. Alors que ce sont elles qui donnent les postes. Ça veut dire qu'il faut. C'est contradictoire. Je t'ai expliqué la fois dernière que les femmes constituent l'électorat majoritaire. Alors, il faut 50% d'accord ou 60% alors, même. Attends, on peut leur poser la question. Pourquoi vous ne votez pas à la candidature présidentielle? Abanya Mouyete, c'est Patricie. Ndaïze, tu la connais. Pourquoi vous ne votez pas pour Alice Nzomukunda? Ou bien pourquoi est-ce que vous ne votez pas pour une autre femme? Les femmes, quand elles veulent, elles peuvent avoir une préférence pour un homme et pas pour une femme. Il faut les laisser libres. Plutôt que l'émotion. Faustin Ndikoumana, comment est-ce qu'il faudrait rassurer les minorités et aussi faire de telle en sorte que les genres soient représentés? C'est déjà fait à travers la Cour d'Arusha. Voilà. On garde ce qui est écrit. Okay. Ce n'est pas une Bible. Aujourd'hui, on est en Faustin, la Cour d'Arusha n'est pas une Bible. Réconciliation. À partir même d'autres commissions qui sont en train de cimenter cette réconciliation, notamment la commission vérité et réconciliation. Imaginez-vous, la commission comité vérité et réconciliation est en train d'aider, il n'est pas encore au bout de sa tâche, et vous replongez le pays dans un débat de partage au niveau ethnique. Qu'est-ce que ça donnerait vraiment? Aujourd'hui, ou même les pédos certains ne sont pas encore cicatrisés, on est en train de réconcilier le peuple burundais et puis vous replongez dans un débat ethnique de partage. Ce n'est pas le moment. Le pays est stable à partir de ces institutions liées à ces textes comme l'accord d'Arusha et la constitution. Plutôt, force qui n'avance et pas recule. Essayons de ramener la paix, stabiliser le pays, plutôt s'occuper d'autres défis qui ont entré de faire couper ce pays dans une misère indescriptible. Il y a beaucoup d'autres défis. Mm-hmm. Le pays a souffert par des crises politiques liées au partage de pouvoir d'élite entre la classe politique. Il faut que cela puisse prendre fin et le pays se tourne vers la raison d'autres. Alors, défis. Nous avançons vers la fin de notre émission. La dernière question, et je crois que chaque intervenant devrait avoir pas plus d'une minute. À quel degré d'espoir les Burundais devraient avoir un peu d'espoir dans l'amendement de la Constitution et qui devrait normalement se faire d'ici peu parce que c'est déjà en perspective la question. Quel doit être l'espoir des Burundais? Comment est-ce que vous devez rassurer les Burundais pour qu'ils puissent croire en ces acteurs politiques, en ces acteurs de la société civile qui parlent des intérêts de la population maintenant? Monsieur Mutabazi. Ce que je peux dire aux Burundais et aux étrangers, c'est que compte tenu de l'histoire de ce pays et de la situation qui prévaut aujourd'hui, il faut être optimiste. Pour nous, au Parti Radebout, nous sommes opposés aux quotas et aux cooptations, mais nous privilégions la politique des petits pas parce que celui qui n'avance pas recule. Pour ce qui concerne la limitation des mandats ou la non-limitation des mandats, nous mettons en avant la souveraineté du peuple burundais qui lui seul va décider et dans le sens de la stabilisation de l'institution présidentielle. Merci beaucoup. Monsieur Leroy Senghenda, c'est la même question. Comment rassurer les Burundais par rapport à l'amendement de la Constitution? Quel espoir les Burundais doivent avoir? Tel que c'est conçu aujourd'hui, et nous l'avons même appris à travers les interventions de l'honorable Mutabazi, c'est supprimer les mandats, c'est supprimer la cooptation, ça veut dire exclure encore une fois les groupes minoritaires, politiques, les femmes, les batois, ou d'autres partis politiques et minoritaires qui ne peuvent pas avoir beaucoup de voix à l'électorat. Parce que la constitution, par exemple, actuelle, consacre qu'un parti politique qui a 2% au niveau national peut avoir un député. Un parti politique qui totalise 5% au niveau national peut, s'il le veut, entrer au gouvernement. Ce sont des équilibres que nous avons négociés et mentionnés dans la constitution. Alors, pour stabiliser, pour garder la stabilité politique, économique et sociale du Burundi, il faut garder ce système jusqu'à ce qu'il y ait effectivement, il n'y ait plus ces réflexes ethniques, il n'y ait plus ces réflexes d'exclusion des autres. Si on garde le statu quo aujourd'hui et attendre l'évaluation de l'accord d'Arusha en ce moment, lorsque les conditions le permettront. Pour vous, l'espoir des Burundais, c'est garder le statu quo. Absolument. Merci beaucoup. Le contexte ne permet pas aujourd'hui d'amender l'accord sur la constitution. Merci de manière beaucoup. Faustin Ndikumana, le degré des Burundais pour avoir cet espoir que l'amendement de la constitution pourrait se faire dans l'intérêt du peuple burundais, ça doit se baser sur quoi? Moi, j'ose espérer, j'ai l'espoir que d'abord, ça serait irresponsable de réviser la constitution en tenant compte des intérêts des groupes de gens ou des individus. Ça serait irresponsable. Mais c'est ce qui va se faire. Tout à l'heure, Mutabazi a dit qu'en 2005, une certaine partie de la classe politique a entretenu une confusion de la constitution. Vous voyez comment ça a généré une crise en 2015. Comment le pays a reculé sur tous les plans. Et j'invite les gens, la classe politique, les citoyens. Le Burundi a connu environ 40 ans de crise politique. De 1962 à 2005. Si l'accord d'Arusha a été voté en 2015, attendons au moins 30, 40, 50 pour stabiliser le pays. Allez commencer à redébattre, à réviser des textes de fondement de stabilité qui n'ont pas même 20 ans de longévité. C'est encore trop tôt. L'accord d'Arusha en 2000, la constitution en 2003. Avec des articles mal écrits. Et surtout que nous sommes dans un contexte de crise politique qui est encore là. Oui. Je dois dire qu'il faut être responsable. Le Burundi a d'autres défis. Maintenant, le minimum de textes qui nous stabilise, il est là. Merci beaucoup, chers invités. Je rappelle à notre public auditeur que nous étions avec trois invités. L'honorable Mutabazi Jean de Dieu, il est président du Radebout. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je souhaite à nos auditeurs bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. L'honorable Léon Senguenda Koumana, il est vice-président du parti Frodebou. Merci d'être venu. Merci. Je conseille également aux responsables actuels de ne pas passer au forcing en amendant de manière unilatérale l'accord d'Arusha et de la constitution. Faustin Dikoumana, il est le représentant légal de la PARSEM. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je dis bonne fête de Pâques à tout le monde. Encore une fois, merci à nos auditeurs. À l'animation de cette émission, c'était Sylvain Dakarutimana à la manette, c'était Séraphine Hakizimana et à la réalisation, c'était Pascal Nyahunze. Encore une fois, merci. Au revoir. Mosaïque.